classe, les poches remplies d'envie. On chantait cet air-là, le regard vers notre avenir, une folle envie d'aimer. On chantait cet air-là, le temps d'un soupir, c'est nos souvenirs. Oh la la la. Je m'en...